On croyait leur époque révolue. Affreux, soldats de fortune, chiens de guerre, bref, les mercenaires. Après avoir longtemps sévi en Afrique, artisans de putsch improbables, bras armés des dictatures ou chiens de garde du pouvoir blanc, ils semblaient avoir disparu. Mais ils ont refait surface en 2004 à l'occasion d'une tentative de coup d'État en Guinée équatoriale. Les mêmes, ou presque, le cuir un peu plus recuit et les réflexes ralentis, mais ce sont dans les nouveaux conflits, Irak-Afghanistan, que s'illustrent, si j'ose dire, les nouveaux mercenaires. Ils sont par exemple des milliers à Bagdad où, employés par les armées de la coalition, ils assurent des missions de sécurité et même exercent parfois des fonctions qui relèvent de la police comme des interrogatoires de prisonniers. On assiste donc à une privatisation progressive de la guerre, une perspective qui inquiète de nombreux États et les organisations internationales. Mais revenons d'abord à la suite du récit de M. X. La semaine passée, il a commencé de parler de la préparation de ce coup d'État en Guinée équatoriale, un minuscule pays mis en coupe réglée par le clan du président Obiang Nguema. Un pays fabuleusement riche depuis qu'on a trouvé du pétrole au large de ses côtes. Et donc, un pays qui attire de nombreuses convoitises. En 2003, un ancien mercenaire sud-africain, Nick Dutoit, crée une société dont l'objet social est en principe la pêche industrielle et le transport aérien. Un autre mercenaire, Simon Mann, va bientôt lui apporter une partie du capital et des membres du clan présidentiel, dont un frère du président équato-guinéen, figureront aussi parmi les associés. Dutoit achètera un bateau, louera deux avions et il embauchera du personnel. Et parmi celui-ci, quelques hommes sont aussi d'anciens mercenaires. Enfin, des personnages britanniques de premier plan seront aussi de la partie, le plus connu étant Mark Thatcher, le fils de la dame de fer. Mais, selon M. X, tous vont tomber dans un piège. Alors, qui est réellement à l'origine du coup? Difficile de le dire précisément. Car après l'échec du coup d'État, les uns et les autres se rejetteront respectivement la responsabilité de l'affaire. Ainsi, Nick Dutoit, lorsqu'il sera interrogé par les autorités équato-guinéennes, racontera une curieuse histoire. Et ça mérite un petit retour en arrière. Ouais, je vous écoute, Adam. Alors qu'il se trouvait chez lui, en Afrique du Sud, Dutoit aurait été contacté par un certain Greg. Quoi, un type qu'il connaissait? Ah, pas du tout. Et d'ailleurs, Dutoit prétend qu'il n'a jamais su son patronyme. Il a simplement donné une description physique de ce personnage mystérieux. 1m80, la cinquantaine, le cheveu brun. C'est pas bien précis, hein. Voilà, je suis d'accord avec vous, oui. Et alors, que lui veut ce Greg? Ah ben, il l'entretient d'un projet de putsch en Guinée équatoriale. Il fait appel à ses services. Évidemment. Dutoit est un ancien des forces spéciales sud-africaines. Du temps de l'apartheid, hein. Oui, il a une petite notoriété en tant que mercenaire. Alors, réponse de Dutoit, là? Toujours d'après ses aveux, il refuse. Il ne veut pas compromettre ses affaires en Guinée équatoriale. Cette société-là qu'il a créée, hein. Et qui sera en partie capitalisée par un important apport d'un autre ancien mercenaire, Simon Mann, dont je vous ai longuement parlé dans la première partie de cet entretien. Enfin, rappelons quand même, pour les auditeurs qui n'auraient pas été à l'écoute samedi dernier, que Mann, ancien officier britannique SAS, a fait fortune grâce à sa société de mercenariat, hein, Executive Outcomes. Une société qui a été chargée en Angola de la sécurité d'une importante compagnie pétrolière états-unienne. Ouais. Contre les rebelles de l'UNITA. Et m'avez-vous dit, Simon Mann n'a pas hésité à utiliser des bombes au phosphore pour liquider ces rebelles. C'est exact. Ouais. Et un peu plus tard, après avoir gagné des millions de dollars, l'ancien officier britannique a créé une autre société de mercenariat. Sandland International avec Tim Spicer. Celui-là, c'est un mercenaire très connu. Et presque une légende. Ici, me permettez-vous une petite parenthèse? En plus, je commence à être habitué. Spicer, ancien officier supérieur de la garde royale britannique, a été blessé lors de la guerre des Malouines. Puis il a dirigé des opérations spéciales dans plusieurs pays avant de quitter l'armée en 1995. Et de créer sa société de sécurité qui va d'abord agir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ta mission, hein? Par la demande des autorités de ce pays, Spicer est chargé de neutraliser la rébellion. Un joli contrat de plusieurs millions de dollars. Ensuite, c'est la Sierra Leone en proie à une interminable guerre civile. La Sandland International épaule les rebelles qui la rétribuent en diamant. Et c'est le scandale. Alors que l'ONU a placé le pays sous embargo, Spicer livre 35 tonnes d'armement à ses clients. Le scandale est d'autant plus retentissant que, dans cette affaire, le mercenaire a certainement bénéficié de l'agrément de l'ancien colonisateur britannique et même de membres du gouvernement. Mais j'imagine que ça n'empêche pas Spicer de poursuivre ses activités. Bien entendu. Il donne ensuite un coup de main à Mobutu avant qu'il ne chute. Puis c'est la divine surprise de la deuxième guerre du Golfe. Spicer, qui a fondé une nouvelle société, Aegis, conclut le contrat du siècle avec l'armée américaine. Presque 300 millions de dollars. Songez que Aegis emploie 20 000 personnes en Irak. 20 000 mercenaires. Qui représentent la deuxième force militaire présente en Irak, oui. Bien loin devant le contingent britannique. Alors, fermons, si vous voulez bien, cette longue parenthèse et revenons-en au récit que fait Nick Dutoit devant les enquêteurs équato-guinéens. Dans un premier temps, il refuse donc de se mêler de cette affaire de coup d'État. Mais le nommé Greg revient à la charge, et cette fois, il est accompagné de Simon Mann. Mais Simon Mann, qui est une référence dans le petit monde des mercenaires. Par conséquent, il est mis en confiance. Et il prête une oreille plus attentive aux propositions de ce Greg. Ces propositions qui sont hein? Ce qui intéresse Greg, ce sont les contacts de Dutoit en Guinée équatoriale. C'est le mercenaire converti en homme d'affaires qui serait chargé de déterminer les principaux lieux stratégiques à Malabo, la capitale, mais aussi aux alentours. Des lieux, alors, qu'il faudrait investir. C'est ça. Ensuite, Dutoit devrait trouver des guides et des véhicules pour acheminer les mercenaires sur ces lieux stratégiques. En outre, on lui demande de recruter un certain nombre de mercenaires parmi ses anciens compagnons d'armes. Ouais. Alors, on propose donc à Nick Dutoit de jouer un rôle central. C'est vrai. Ouais. Alors, et en retour? Simon Mann met $1 million sur la table. Ah, et ce million qu'il m'avait vous dit la semaine passée, là, va être investi dans le capital de la société de Dutoit. Hein. Et les deux compères ajoutent pour finir de convaincre le mercenaire que d'autres investisseurs les rejoindront et qu'ils bénéficieront du soutien de hautes personnalités britanniques. Alors, est-ce que tout ça suffit à décider Nick Dutoit? Oui. Il ne faut pas oublier que ce qui est en jeu, c'est la manne pétrolière, qui jusque-là tombe directement dans la cassette personnelle du président Obiang Nguema. Attendez, avant de poursuivre, là, avez-vous une petite idée là, de l'identité de ce Greg? Non, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ce type était un agent. Appartenant à quel service, là? Un service occidental, évidemment. Ouais, d'accord. Lequel exactement? Ça, on a le choix. Mais si vous ne voyez pas d'inconvénient, c'est une question à laquelle je préfère ne pas répondre tout de suite. Oui, des mystères. Mais pourquoi pas? Alors, autre interrogation, vous avez parlé de cette manne là sur laquelle ces mercenaires auraient bien voulu jeter leur dévolu. Mais comment aurait-il pu bien faire? Il ne comptait quand même pas s'installer au pouvoir à la place du président Obiang. Bien sûr que non. Ils avaient prévu leur coup. Depuis longtemps déjà, un certain Severo Moto, réfugié en Espagne, guignait la place et aspirait à remplacer Obiang. Mais un opposant sérieux? Oui. Severo Moto, un grand ami de la droite espagnole et du premier ministre Aznar, avait autrefois occupé de hautes fonctions avant d'être limogé et de devoir s'exiler. Les comploteurs pensaient donc à le placer à la tête du gouvernement équato-guinéen. Ah oui, alors, reconnaissant celui-ci, les aurait fait bénéficier d'une partie de la rente pétrolière. Oui, c'était en effet le plan qui était envisagé. Avec la complicité de l'Espagne? Étant donné les rapports entre ce Moto et Aznar... Aznar était toujours au pouvoir. Hein. Oui, ça n'est nullement exclu. D'autant que l'ombrageux Obiang Nguema entretenait des rapports plutôt houleux avec l'ancien colonisateur espagnol, toujours accusé de se mêler de ce qui ne le regardait pas. Et vous parliez là, un instant, d'investisseurs disposés à entrer dans l'affaire. Et vous avez raison de parler d'affaires, car c'est essentiellement de cela qu'il s'agit. Ces gens-là se moquent bien de l'aspect politique. Mais ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Exactement. Car certains n'hésitent pas à déclarer que la petite Guinée équatoriale est le Koweït de l'Afrique. Alors les investisseurs, demandiez-vous? On trouve d'abord un homme d'affaires multimillionnaire qui a fait fortune dans le pétrole nigérian, Eli Khalil, un Britannique d'origine libanaise, qui est aussi un lobbyiste très influent. Ami et conseiller de cet opposant équato-guinéen, Severo Moto, il va jouer un rôle important dans la mise sur pied du complot. Plus précisément? Il use de ses relations dans les milieux politiques britanniques pour les convaincre qu'une tentative de déstabilisation du président Obiang ne présenterait que des aspects positifs. Il approche en particulier un ancien ministre de Tony Blair. Mais Les conservateurs ne sont pas oubliés. Un certain Davy Hart, ex-conseiller de Margaret Thatcher, est aussi mis au courant et dépose son obol. Pour information, ce type a été l'organisateur des équipes de gros bras qui ont cassé les grèves de mineurs dans les années 80. Ça veut dire en tout cas que beaucoup de gens sont informés de la préparation du coup d'État. Hein. Beaucoup trop, oui. Enfin, je poursuis. D'autres investisseurs sont aussi contactés. Un lord, ancien numéro 2 du Parti conservateur. Cependant, celui qui retient le plus l'attention, c'est un homme qui porte un patronyme célèbre, puisque c'est le propre fils de Margaret Thatcher. Revenons un instant sur le mercenaire en chef, le colonel Tim Spicer. Un homme toujours tiré à quatre épingles, qui a engagé en Irak quelques 20 000 hommes aux côtés des Américains. Et voici, à ce propos, ce qu'écrit Stephen Armstrong, journaliste au Guardian. L'avantage stratégique pour le Pentagone de travailler en étroite collaboration avec des sociétés comme Aegis est manifeste. L'impopularité grandissante de la guerre en Irak parmi les Américains est principalement due au nombre croissant de victimes au sein de l'armée, près de 2500 à ce jour, en fait on sait maintenant qu'il y en a 3000, alors que les pertes d'agents de sécurité, elles, ne sont pas enregistrées. En signant avec le Pentagone, Aegis de son côté s'est hissé au premier rang des acteurs britanniques de la bulle sécuritaire. Et plus loin, le journaliste du Guardian écrit ceci à propos du développement spectaculaire du mercenariat. Le secteur privé cherche d'ailleurs à améliorer sa respectabilité. Les institutions financières de Londres n'ignorent pas l'intérêt que cela peut représenter pour elles. Quasiment tous les jours, Spicer rejette des propositions d'investisseurs. La société compte aujourd'hui 1200 employés et comporte 3 départements chargés respectivement du renseignement, de la sécurité et du soutien technique. La plupart des agents de terrain sont d'anciens militaires, mais le conseil d'administration comprend un certain nombre de banquiers et le personnel inclut quelques journalistes, policiers, anciens fonctionnaires de l'ONU et humanitaires. La société a des bureaux à Londres, Washington, Kaboul, en Arabie Saoudite et au Népal, mais c'est en Irak qu'elle est le plus présente. Attardons-nous un instant sur Mark Thatcher, fils adoré de sa mère, toujours prête à lui venir en aide, quitte à provoquer des scandales. Et commençons par une anecdote très révélatrice. En 1986, alors que la dame de fer s'apprête à se représenter devant les électeurs, Mark Thatcher demande au porte-parole de sa mère ce qu'il peut faire pour aider à la réélection de celle-ci. Et il obtient la réponse suivante. Exilez-vous. Chez le camp, quoi. Mais c'est une vraie gifle. Il est donc si embarrassant que cela? Oui, oui. Et surtout, sa mère, qui a toujours satisfait ses caprices, est incapable d'être objective dès qu'il s'agit de son fils bien-aimé. Alors, voyons ça de plus près. Mark, qui a pourtant fréquenté les meilleures écoles, a complètement raté ses études. Un cancre. Assurément. Se résignant à devenir comptable, il échoue 3 fois à obtenir son diplôme, affublé du surnom de Scratcher. Ça, Scratcher, c'est le gratteur en anglais. C'est ça, ça, oui. Mais je ne sais pas s'il doit se sobriquer à l'eczéma qu'il démangeait ou à autre chose. Enfin, peu importe. En tout cas, Scratcher, faute de bagages universitaires, enchaîne les petits boulots. Bah, attention, pas n'importe quoi. Grâce à l'entregent de sa mère, il obtient des jobs très bien payés. Il est par exemple représentant, bijoux de luxe, ou encore mannequin. Toutefois, il sacrifie rapidement à sa passion la course automobile. Employé à prix d'or par la petite écurie Lotus, il se lance ensuite lui-même dans la compétition. Oui, il y a le Paris-Dakar. C'est ça, oui, vous avez une excellente mémoire, mon cher. Oui. Enfin, c'est quand même difficile d'oublier sa mésaventure dans le désert. Hein. Allez, Mark Thatcher s'est en effet perdu. Et pendant 6 jours, sa mère fera tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver son fiston. À l'occasion, on verra même la dame de fer écraser une larme. Et Mark, qui n'a pas eu un mot de remerciement pour ses sauveteurs algériens, osera dire qu'il n'y a eu que 2 événements importants cette année 82, la guerre des Malouines et sa disparition dans le désert. Oui, vaniteux avec ça. Alors bon, je poursuis, mais allons vite. Enfin, pour une fois. Je vous en prie. Après avoir couru les 24 heures du Mans et fini 2 fois dans le mur, il se lance dans les affaires en tant que consultant. Toutefois, curieusement, dans cette nouvelle activité, Mark semble surtout mettre ses pas dans ceux de sa mère. C'est-à-dire Margaret Thatcher effectue un voyage officiel à Oman. Quelque temps plus tard, un des clients de son fils, une grosse société de travaux publics, obtient le contrat de la construction d'une université. Autre exemple. À l'occasion d'un autre contrat, la vente d'avions britanniques, Tornado, à l'Arabie Saoudite. Mark touche une commission de 12 millions de livres. Ça vaut à la dame de fer d'être interpellée à plusieurs reprises à la Chambre des communes. Oui, quand même. Alors, avec quel résultat? Margaret Thatcher défend bec et ongle son fils, et prétend même qu'il est tellement brillant qu'il serait capable de vendre de la glace aux Esquimaux et du sable aux Arabes. Oui, elle exagère, là. Enfin bon, elle l'aime. Il ne devrait donc ses commissions qu'à ses exceptionnelles qualités commerciales. Ce que contestent tous ceux qui le connaissent bien, quoi qu'il en soit. Mark Thatcher multiplie embrouilles et magouilles. À tel point que, résidant en Suisse, les autorités lui ordonnent de quitter la Confédération. Il aurait en particulier vendu en toute illégalité des équipements militaires à l'Irak de Saddam Hussein. Il aurait même été partie prenante dans la fameuse affaire du super canon irakien imaginé par l'ingénieur Gerald Bull. Un homme qui a fini par être assassiné par le Mossad israélien. Bah, ce qui montre que le projet n'était peut-être pas aussi fou qu'on le pensait. Mais ne nous éloignons pas. Bon alors, après la Suisse, là, où Mark Thatcher part-il? Bah, il s'installe au Texas, où il va faire la connaissance d'une riche héritière. Qu'il va épouser? Naturellement. Ouais. Et ensuite, en délicatesse avec le fisc américain et un associé qui l'a roulé, il part pour l'Afrique du Sud. Et pourquoi ce pays-là? Bah, là encore, Mark suit les traces de sa mère. Car la Dame de Fer a toujours été une grande amie de l'Afrique du Sud. Lorsqu'elle était Premier ministre, elle a tout fait pour éviter au pays de l'apartheid des sanctions économiques. Quant à son fils, il a déclaré ouvertement qu'il était aux côtés, je cite, des Blancs qui résistent. Ah ouais, c'est tout à fait clair, ça. Bon, en tout cas, arrivant en Afrique du Sud, Mark Thatcher achète une splendide demeure près du Cap, dans une sorte de ghetto de luxe pour Blancs fortunés. Et c'est là où nous retrouvons le fil de notre histoire. Ah ouais, parce qu'on s'était un peu éloigné, là. Et pourquoi, là, ça... Ouais, parce qu'il se trouve que l'un des voisins du fils Thatcher s'appelle Simon Mann. Vous commencez à comprendre. Ah ouais. Et Mann va demander à Mark d'investir dans le coup d'État, c'est ça? Et Thatcher ne rechigne pas. Il va contribuer au financement à hauteur de 275 000 dollars. Alors, maintenant que vous connaissez les principaux protagonistes, voyons le scénario prévu et le début de l'exécution du plan. D'abord, les comploteurs créent une nouvelle société qui sera chargée de commercialiser le pétrole équato-guinéen à la suite du coup d'État. Avec la bénédiction de l'opposant Severo Motto, qui prendra la tête du pays, bien sûr. En tout cas, c'est qu'ils y croient. Hein. Mais pour l'heure, cet homme se trouve en Espagne. Hein. C'est pourquoi les comploteurs lui demandent de se rapprocher de la Guinée équatoriale. Cet éternel opposant s'installe sous pseudonyme dans un hôtel des Canaries. Et il est prévu qu'aujourd'hui, un avion l'emportera vers Bamako et ensuite vers la capitale équato-guinéenne, Malabo. Et sur le terrain, alors, comment ça se... Deux équipes doivent intervenir. D'abord, celle de Nick Dutoit, qui a rassemblé une équipe comprenant une quinzaine de mercenaires. Et ceux qui doivent guider les autres jusqu'au lieu stratégique qu'il faut investir. Hein. Et la deuxième équipe, alors? Elle doit venir de Pretoria, où le patron de l'opération Simon Mann a recruté une soixantaine de gros bras, tous des anciens du fameux bataillon 32. Une unité chargée sous le régime de l'apartheid de combattre les mouvements de libération en Afrique australe. Autant de mercenaires qu'il a sommairement et discrètement entraînés. Auparavant, il a acheté, via une société domiciliée à Jersey, un vieux Boeing 727, qui a déjà vécu plusieurs vies. Pour transporter ses hommes. Oui, j'ajoute que tous ces mercenaires, pourvus de passeports sud-africains en bonne et due forme, doivent en cas de pépin dire qu'ils se rendent en République démocratique du Congo, où ils vont être employés à sécuriser une mine de diamants. Le Boeing décolle donc sans encombre de Pretoria. Et il est prévu que l'avion fera d'abord escale à Harare. La capitale du Zimbabwe. Mais pourquoi? Simon Mann s'y trouve. Il vient en effet d'y acheter de nombreux matériels militaires. Fusils d'assaut, lance-roquettes, grenades, munitions, etc. Et ces équipements doivent être chargés dans les soutes du Boeing qui s'envolera ensuite vers la Guinée équatoriale. Si les autorités de l'aéroport se montrent trop curieuses, le commandant de bord se contentera de dire qu'il avait besoin de faire le plein de kérosène. D'accord, mais le chargement de tout ce matériel militaire ne va peut-être pas passer inaperçu. Et c'est pourquoi ce 7 mars 2004, le Boeing atterrit alors qu'il fait déjà nuit et gagne aussitôt une piste réservée aux avions cargo. Mais c'est presque aussitôt la catastrophe. Quoi? Les douaniers zimbabwéens demandent à monter à bord. Et il ne tarde pas à découvrir, assis dans la pénombre de la cabine, une soixantaine d'hommes au crâne rasé. Et encore plus loin, tassé au fond, des armes automatiques, des bottes, des sacs de couchage. Presque immédiatement, tout ce beau monde est arrêté. Et Simon Mann, qui attendait sur le tarmac, est lui aussi coffré. J'ai l'impression qu'ils étaient attendus, non? Et ça n'est pas évident. Les douaniers disposaient de renseignements très précis. Revenons un instant à l'histoire de Mark Thatcher. En 1992, la possibilité de l'octroi d'un titre héréditaire à Margaret Thatcher provoque une vraie tempête. Pourquoi? À cause de la réputation de son fils Mark. Un journaliste du Point, Mark Roche, donne l'explication suivante. Dans ce royaume où les divisions sociales sont plus profondes qu'ailleurs, figurer sur la liste des honneurs demeure l'ultime forme de reconnaissance, la source irremplaçable de respectabilité. Or voilà que cette institution est sur la sellette. À l'origine de cette tempête, les rumeurs de l'octroi d'un titre à l'ex-premier ministre Margaret Thatcher. Son élévation à la pairie doit en effet figurer dans la Queen's Honor List du mois prochain. Rien là qui choque, mais voilà. Le titre est héréditaire et le flegme légendaire de la gentry a craqué un brin devant la perspective de voir un jour son fils Mark siéger, à la mort de sa mère, parmi les lords dits temporels. L'un des grands seigneurs du royaume, le duc de Norfolk, a écrit une lettre au Times dans laquelle il rappelle qu'un titre nobiliaire doit encourager l'indépendance, les vues à long terme et surtout le code de conduite. Allusion à peine voilée au passé trouble de Mark Thatcher, ses liens commerciaux d'antan avec le sultan de Brunei et la famille royale d'Arabie Saoudite ont défrayé tout au long de l'ère Thatcher et défraient encore les potins de Westminster et les colonnes des chroniqueurs. Aussitôt après l'arrestation des mercenaires sur l'aérodrome de Harare, c'est la débandade. Simon Mann réussit, avant d'être appréhendé, à utiliser brièvement son téléphone cellulaire et à prévenir Nick Dutoit, alors même que ce dernier venait de rassembler ses hommes et s'apprêtait à se diriger vers l'aéroport de Malabo, où il devait s'emparer de la tour de contrôle. Pour faciliter l'atterrissage du Boeing de Simon Mann. Et éviter les questions indiscrètes des contrôleurs. Ouais. Et que dit cette brève conversation, que dit Simon Mann à son complice Dutoit? Vous pensez bien qu'il ne s'attarde pas à donner des détails. Il dit simplement qu'il faut annuler l'opération et il raccroche. Et que fait Dutoit lui-même? Par radio, il ne peut que demander à ses hommes d'aller se coucher. Et c'est ce qu'il fait lui-même. Mais au petit matin, les policiers équato-guinéens font irruption dans les chambres de ces mercenaires et tous sont arrêtés. Ah, ça sent... Une nouvelle preuve qui indique qu'ils ont été donnés. Et que tant à Malabo qu'à Harare, on savait quelle était leur mission. Et on les a pincés juste avant qu'ils ne passent à l'action. Et pratiquement en flagrant délit. À Las Palmas, aux Canaries, on était prêts aussi. Ouais, Severo Moto, là. Oui, ouais. Oui, ils séjournaient là-bas sous un pseudonyme transparent, Molteno. Et à leur dite, accompagné de son escorte de blanc... Encore des mercenaires? Vraisemblablement. Mmh. Donc à leur dite, il embarque dans un petit avion direction Bamako, comme il a été prévu. Mais heureusement pour ces hommes, dès leur arrivée dans la capitale malienne, ils apprennent que le coup a échoué. Et immédiatement, ces comploteurs sautent dans un avion qui les éloigne au plus vite du continent africain. Mmh. S'en sont plutôt bien sortis. Ils auraient pu se jeter dans la gueule du loup s'ils avaient atterri à Malabo. Hein. Et le président Obiang se serait fait une joie d'accueillir son principal opposant avec les honneurs dus à sa qualité. Mmh. Ouais. J'imagine en effet quel sort lui aurait été réservé s'il avait été capturé. Et alors, que se passe-t-il ensuite? En Guinée équatoriale, le président Obiang triomphe et il entend exploiter au maximum cette affaire. Lui qui a la réputation de dénoncer régulièrement des tentatives de coup d'État parfaitement imaginaires, détient maintenant dans ses geôles de vrais comploteurs, des hommes qu'il est fermement décidé à faire parler, par tous les moyens. Y compris la torture? Cela va sans dire. Et d'ailleurs, Nick Dutoit, qui connaît bien le système, ne va guère opposer de résistance. Et il lâche tout ce qu'il sait, alors. Assez rapidement, oui. Mmh. Ouais, au fond, il est raisonnable, non? Oui, il n'a guère le choix s'il veut s'en sortir vivant. Il va même accepter de faire des aveux devant les caméras de la télévision équato-guinéenne. Mmh. Que déclare-t-il alors? Après avoir mis en cause quelques-uns de ses complices, dont Simon Mann, il affirme qu'il n'était pas question de tuer Obiang Nguema, mais de l'exfiltrer vers l'Espagne et du même coup de le remplacer par Severo Moto. Une sorte d'échange au fond, un président contre un autre. Mais en même temps, il accuse l'Espagne. l'Espagne du premier ministre José María Aznar, qui aurait soutenu le mouvement. Et vous m'avez dit en effet que ce Severo Motto était un ami d'Aznar, donc ça paraît assez vraisemblable. Ah oui, mais désolé, sur ce point précis, je n'en sais pas plus. Même si plusieurs autres mercenaires arrêtés à Malabo ont aussi déclaré qu'ils pensaient bénéficier de l'appui de Madrid. Ouais, bon, enfin, sous la torture, c'est vrai qu'on peut raconter n'importe quoi. Vous avez raison. Toutefois, malgré ces aveux, exorqués ou pas, la justice équato-guinéenne va frapper très fort. Tous les mercenaires arrêtés à Malabo écopent de lourdes peines de prison. Nick Dutoit lui-même étant condamné à 37 ans de prison. Mais le procureur avait demandé la peine de mort. Et les autres, là, les mercenaires arrêtés à Harare? Ils ont été traités avec beaucoup plus de clémence, et ça s'explique aisément. Les magistrats du Zimbabwe n'avaient à juger qu'une infraction à la législation locale sur les armes. Et pas de complot. Par conséquent, les 65 mercenaires découverts dans le Boeing de Simon Mann ne sont condamnés qu'à 12 mois de prison. Et Mann lui-même? Bah, lui, en tant qu'initiateur de cette affaire, il est condamné beaucoup plus lourdement, 7 ans. Mais avant cette condamnation prononcée en septembre 2004, le mercenaire en chef a gaffé. Que voulez-vous dire? Mann a très vite compris qu'il risquait gros. Et il fait passer clandestinement une lettre à son épouse. Mais, et ça éclaire de façon toute singulière cette affaire, les services secrets sud-africains veillent. Et ils interceptent la lettre avant qu'elle n'arrive à destination. Mais pourquoi les services sud-africains, je comprends pas. Encore un petit peu de patience et je vous expliquerai. Ce qui est important, c'est que cette lettre est un vrai appel au secours. Mann demande à sa femme de faire intervenir quelques puissants amis, dont ceux qui ont participé au financement de l'opération. Bien entendu, les noms ne figurent pas en clair et Mann utilise leur pseudonyme. Ah oui, alors j'imagine Scratcher pour Thatcher. Par exemple, Esmeli pour Khalil, ce richissime homme d'affaires britannique qui, par parenthèse, intéresse beaucoup un juge de chez nous, Renaud Van Ruynbeck. Comment? Pour quelle raison? Oh, des histoires de pots de vin, de pétrole, enfin peu importe. Dans sa lettre, Simon Mann sollicite aussi l'aide de cet ancien conseiller de Margaret Thatcher, qui a été associé à la préparation du coup d'État. Une observation d'abord, là, c'est pseudo, enfin, je pense surtout à Scratcher, Thatcher, était quand même très, très transparent. Hein? Oui, et c'est justement Mark Thatcher qui intéresse les autorités sud-africaines. Parce que c'est un résident sud-africain maintenant. Et étant donné la sympathie qu'avait autrefois manifestée la Dame de Fer pour les dirigeants sud-africains du temps de l'apartheid, il n'est pas exclu que les nouvelles autorités de Pretoria aient voulu exercer une sorte de vengeance. Par conséquent, Mark Thatcher est arrêté et inculpé. Sous quel chef alors? Violation de la loi sud-africaine sur le mercenariat. Naturellement, dès qu'il est sous les verrous, la Guinée équatoriale demande son extradition, mais elle ne sera jamais accordée. Toutefois, Scratcher a compris que la menace était sérieuse. Et pour éviter l'extradition, il décide de plaider coupable et donc de passer un accord avec la justice sud-africaine. Est-ce que sa mère est intervenue en sa faveur? C'est certain. Et lors de son audition par la cour, des petits malins ont accroché devant le tribunal une banderole où l'on pouvait lire « Sauvé par maman ». Et comment s'en est-il sorti? En janvier 2005, après avoir passé 5 mois en prison, Mark Thatcher a été condamné à une très lourde amende et 4 ans de prison avec sursis. Bah, à côté des condamnations des autres, c'est plutôt clément, hein. Et notez bien qu'il n'a pas levé le petit doigt pour leur venir en aide. Mais étant donné ce que je vous ai dit du personnage, ça ne vous étonnera pas. Alors, il faut bien y venir, la clé de tout ça. J'y viens. Ouais. Tant à Londres qu'à Washington, et peut-être même à Madrid, nombreux étaient ceux qui voulaient en finir avec Obiang Nguema. Les gouvernements, vous voulez dire? Bien sûr. Ouais. Il était de plus en plus difficile d'apporter son soutien à un régime aussi corrompu et dictatorial. On n'ignorait rien des versements réguliers que le président Obiang effectuait dans une banque états-unienne, la Banque Ou. C'est sans doute une coïncidence. Pinochet dissimulait une partie de son magot. Et tout cela risquait de finir en scandale. Oui, mais comment réagir? Il n'était pas question d'utiliser la force. Enfin, directement, en tout cas. Cependant, laisser faire des mercenaires, pourquoi pas? Et on pouvait même leur laisser entendre qu'on était discrètement à leur côté. Tout cela sous-entend que ces gouvernements occidentaux là, savaient qu'un coup d'État se préparait. Évidemment. Fin 2003. Les services britanniques avaient reçu un rapport très précis sur la préparation du coup. Un rapport qui venait d'où? Oh, il a été rédigé par un ancien militaire sud-africain, Johan Smith, qui jouissait d'une excellente réputation dans les milieux de la sécurité. Oui, on pouvait donc se fier à son rapport. Tout à fait. Et malgré tout, ces gouvernements auraient laissé faire. Oui. Alors, pourquoi ce coup d'État mené par les professionnels, quand même, a-t-il échoué? Parce que les Sud-Africains s'en sont mêlés. Ah, ça mérite une explication, là, hein. À Pretoria, on en avait assez de ces mercenaires qui ternissaient l'image du pays. Et Pretoria a décidé de donner un véritable coup de pied dans la fourmilière en faisant échouer cette opération. Mais écoutez-moi bien. Je crois que le plus malin dans cette affaire a encore été le président Biang Nguema. Expliquez, hein. Averti de l'imminence d'un coup d'État. Par qui? J'ai oublié de vous dire que ce Johann Smith, qui a envoyé un rapport à Londres, mais aussi à Washington, était le conseiller de Biang Nguema en matière de sécurité. Ah oui? En tout cas, le président équato-guinéen a donc laissé mûrir le furoncle. Et puis au moment opportun, il a tranché dans le vif et décapité le complot. Et pour lui, c'était tout bénéfice. Car ça lui a permis de faire le ménage dans ses propres rangs et donc d'éliminer quelques personnages indésirables jusque dans sa propre famille. Des gens qui voulaient être califes à la place du calife. Bien entendu, oui. Donc au fond, ces mercenaires lui ont rendu service? Ah, c'est ce que je pense. Je ne dirais pas que le chef d'État équato-guinéen a été à l'origine de l'affaire, mais il a très vite compris le bénéfice qu'il pouvait en tirer. Et il a roulé tout le monde. À commencer par ceux qui, aux États-Unis en particulier, auraient bien voulu se débarrasser d'un personnage encombrant. Mais le plus étonnant n'est peut-être pas là. Vous connaissez forcément Frederick Forsyth. Oui, l'auteur de thriller. Dont le deuxième roman s'appelait Les chiens de guerre. Un ouvrage devenu un best-seller et qui racontait par le menu une tentative de coup d'État dans un petit pays africain qui ressemblait beaucoup à la Guinée équatoriale. Or, les comploteurs de 2004 semblent avoir suivi presque à la lettre le scénario imaginé par l'écrivain. Et c'est d'autant plus troublant que Forsyth lui-même n'a pas tout inventé. C'est-à-dire? Eh bien, en 1973, il a participé financièrement et physiquement à une tentative de coup d'État contre l'oncle d'Obiang Nguema, ce Macias, qui était un tyran sanguinaire. Curieux mélange de fiction et de réalité, non? Tout comme le récit de M. X, où parfois ces révélations semblent si étonnantes qu'elles paraissent relever de la fiction. En tout cas, je vous recommande particulièrement un ouvrage tout récent de Xavier Harel, Afrique, pillage à huis clos, un ouvrage paru chez Fayard.